c'est ça, t'as ça, décide cela. Ferme ta gueule, sinon je te coupe avec une grosse meuf. Vas-y, ouvre ton bol de yassa. Yassa, yassa, t'es sûr, yassa. 7, 8 et 0, je noir jusqu'au trou de balle. L'homme à l'est animal, un peu cannibale. Je représente mon crew, Orina Record. Tous les fous du rond-point représentent la GSP. Henri Vallon, Torres et Léo Lavange. Serrons-nous la main, chez nous c'est course poursuite des flingues. C'est comme vivre avec des malades psy et on des flingues. Yo, et gangsta. Yo, et gangsta. Hey, shout, fuck you. C'est moi le boss, si je bosse, si je te dose ici. Ose encore dire les cons dans les bouges et mouge ici. Yo, vas-y, reste ici. Reste ici. Yo, et gangsta. Yo, et gangsta. Yo. Bon, me revoilà encore pour une fois. Avec mes flax et mes vax. Voilà encore pour une fois. Comme une migraine, je sème le trouble dans ton cerveau. Qui a dit que Mambemba est un rigolo? Sac à couilles de tous les possibles avec la trouille. Qui a fait de Churro? Alors que c'était plutôt ça. Bon, perdu hardcore, je reste au best test. La puissance de mon flow qui attaque ton cerveau. Ton kovo dit bengele, tout mon dengene. Ceux qui me critiquent dansent quand même sur ma musique. Putain de fond pour leur meuf, kiffe sur mon physique. Me tente gratuitement leur seuf. Avec mon pif, je sniff. Mais avec mes mains, je tape les seufs et les meufs. Yo, bon, hein. Kotiko, Koko et Woman Nkuyu. Kotiko, Koko et Woman Nuni. Kotiko, Koko et Woman Nsuini. Kotiko, Koko et Woman Muntu. Kotiko, Koko, Koko, Kotiko. Mais Muntu, Okula, Bobazana. Musamu mionso mia bataka miani waka. Kani njulu kani mbembo mini bonata. Ame yaya, mwenye kubamina, wabambata. Chinchi mutu taku, wewa loso ke kune. Enge, mwa kuncheke, enda lefo ke kune. Yo, deux mots pour te dire que toi et moi, c'est pas sur la même table au pointing. Deux mots pour te dire, chasseur de prime avec mon flow, je t'élimine. Deux mots. Le mec est blindé.